Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Ce fut sans doute le plus grand événement culturel du semestre passé à Paris, l'ouverture au musée du Louvre de nouvelles salles présentant le mobilier et les objets d'art français du XVIIIe siècle. Le concepteur de ces nouvelles salles du Louvre, Jacques Garcia, est l'invité exceptionnel de Franck Ferrand cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Il faut aller au Louvre, visiter cette enfilade extraordinaire où sont présentés de manière cohérente, chronologique, de manière très sentie, quelques-uns des fleurons de nos arts décoratifs. Je dis il faut y aller, mais je n'ai même pas besoin de donner ce conseil, car visiblement, c'est déjà un très grand succès. Alors je suis heureux que Jacques Garcia ait pu se libérer pour venir nous en parler aujourd'hui. Et à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question d'Anne-Cécile sur l'origine des bibliothèques publiques. Ah, voilà un sujet qui me tient à cœur. Bonne question, Anne-Cécile. Pour le moment, je vous propose de survoler 8 siècles d'histoire du Louvre pour arriver à ses nouveaux développements, bien entendu. Toute l'existence de ce palais devenu musée au cœur de notre capitale. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Deviennent de plus en plus rares les sujets sur lesquels la France puisse aujourd'hui pavoiser et faire un peu cocorico, mais là, objectivement, on peut dire que notre pays possède au cœur de sa capitale le plus vaste et le plus prestigieux musée du monde. Aucune autre institution sur la planète n'ose lui disputer ce titre. Les chiffres sont, ils parlent d'eux-mêmes, ils sont démesurés. Une surface totale entre 4 et 5 hectares en plein cœur de Paris. 300 000 objets d'art ou d'histoire. Chaque année, plus de 9 millions de visiteurs qui déambulent dans quelques 200 salles sur 65 000 mètres carrés d'exposition. Des salles surveillées par près de 1000 gardiens, tout ça pour un budget d'environ 200 millions d'euros annuels. Enfin bon, ce n'est plus un musée à ce niveau-là, c'est quelque chose de l'ordre de l'industrie culturelle. C'est un record, c'est un lieu superlatif. Vous le savez peut-être, mais on a calculé qu'en passant une demi-minute, 30 secondes par objet, il faudrait en théorie plus de 100 jours et 100 nuits pour visiter le Louvre convenablement. Vous voyez l'ampleur. J'étais l'autre jour, je vais raconter ma vie, tiens. J'étais avec mes nièces et mon neveu devant. On passait le long du Louvre et alors je dis, ben ça, vous voyez, ça c'est le Louvre. On ne visitait pas, on se promenait juste rue de Rivoli. Et puis on marche, ça dure très longtemps, bien entendu, surtout pour des enfants. Et puis au bout d'un moment, l'une d'elles me dit, mais et ça c'est quoi? Je dis, mais c'est toujours le Louvre. Et c'est vrai que il faut se faire une idée de l'immensité de tout ça. S'il est une dimension qu'on a fortement tendance à oublier quand on parle du Louvre, c'est en revanche son épaisseur historique. C'est la quatrième dimension. C'est vrai que de nos jours, on est habitué à installer des salles d'exposition dans des châteaux, dans des églises, des usines, même dans des abattoirs désaffectés comme à la Villette. C'est pas une raison pour oublier la vocation originelle de ces différents lieux. Et puisque nous parlons du Louvre, il m'a semblé intéressant de vous raconter comment, peu à peu, touche par touche, une ancienne demeure royale qui au départ était hors de Paris, aux portes de Paris, est devenue ce grand musée au centre même de la capitale. À l'origine, il y a un donjon, vous savez, c'était le donjon de Philippe Auguste, bâti en 1190, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Philippe Auguste devait partir pour la croisade, il voulait absolument protéger sa capitale contre les assauts de l'Ouest. Les Anglais, les Normands, bref, tout ce qui était dangereux pour la couronne de France de l'époque, on avait d'ailleurs le souvenir encore présent à l'époque, encore assez récent, des invasions normandes. Et donc, il va bâtir cette espèce d'immense donjon à l'ouest de Paris, à l'ouest donc dans la direction même d'où peut venir le danger. Notre tour du Louvre, comme l'appelaient les rois de France, où seront très vite installées les archives, des cellules pour les prisonniers de marque, bien entendu, et puis, surtout, le trésor royal. C'est fondamental, ça, parce que d'emblée, ça donne au Louvre ce qui va être sa vocation de conservation, un petit peu, si on peut dire, de coffre-fort du pays, de lieu de conservation de ce qu'on avait de plus précieux. Et ça, ça va être d'autant plus vrai lorsque Charles V transforme cet ancien donjon en une belle résidence royale, fastueuse, ce qu'on appelait le joli Louvre, hein, à la mode valois, dont l'architecte était Raymond du Temple. On a une très belle image de ça lorsqu'on voit dans les très riches heures du duc de Berry, vous savez, ce Louvre entièrement festonné avec ses toitures pointues, ses girouettes dorées, ses fleurons, ses oriflammes, une sorte de palais de contes de fées. Charles V installe dans ce nouveau joli Louvre, en 1367, sa fameuse librairie. La librairie, c'était la bibliothèque royale, qui comptait à l'époque 973 manuscrits. On est en 1367, ça veut dire que, évidemment, à l'époque, l'imprimerie n'existe pas. Donc, les très beaux, sublimes livres, tout illustrés, tout enluminés, qui font la célébrité de la librairie royale, ce sont des livres écrits à la main à l'époque, vous savez, sur de beaux parchemins, tout ça est extraordinaire. Alors, le Louvre est séparé des bas quartiers de Paris par de très beaux jardins de fleurs, de légumes, etc. Tout ça vers le nord, hein, vers la partie active de la capitale sur la rive droite. Et puis à l'ouest, vous avez les communs, les basses-cours, les écuries, etc. Ce Louvre, néanmoins, va peu à peu être abandonné dès le successeur de Charles V, le roi fou Charles VI, vous savez, et puis par la suite encore davantage, puisque les rois vont préférer le Val-de-Loire, bien entendu, et donc ils ont tendance à abandonner un petit peu leur capitale. Il va falloir attendre la captivité de François Ier après la bataille de Pavie en 1525, c'est que François Ier va être fait prisonnier en Espagne, et quand il rentre en France, il comprend qu'avec le traumatisme que vient de subir le royaume, il ne peut pas s'offrir le luxe d'aller de nouveau villégiature, si je puis dire, sur les bords de la Loire. Il lui faut reprendre possession de sa capitale. Il se réinstalle donc à Paris et là, il va faire remanier de fond en comble un Louvre dont on finit par oublier presque, sinon les fondations, du moins les élévations médiévales. On construit une nouvelle cour, ça va être l'ancêtre de la cour carrée. En 1546, François Ier confie à Pierre Lescot ce qui doit être un nouveau palais dans ce qui est maintenant la partie ouest de la capitale. On est englobé. Le Louvre est englobé dans Paris depuis déjà longtemps. François Ier y installe ses fameuses collections et au nombre des fleurons, il y a bien entendu la célèbre Joconde. Donc déjà, vous voyez. Et puis, je vous dis qu'il commence en 46, il meurt en 47. Seulement son fils, Henri II, va poursuivre ses travaux et l'on va voir ses travaux du Louvre se poursuivre pendant des décennies. On construit, on agrandit sous Charles IX, Henri III, Henri IV. Henri IV va faire un travail considérable. C'est lui qui assume le fameux grand dessin du Louvre et notamment dessin S-E-I-N, le grand projet, si vous voulez. Et notamment quand vous passez encore aujourd'hui sur le quai du Louvre et que vous voyez cette espèce d'immense galerie qui s'étire comme ça et qui reflète la Seine, eh bien ça, c'est la galerie du bord de l'eau qu'a voulu et qu'a fait bâtir Henri IV. Vous allez voir que ses successeurs iront encore plus loin. Duhamel à l'instant sur Europe 1 avec la bande originale du film Belphégor. Et aujourd'hui, Franck Ferrand, vous nous proposez une visite guidée du musée du Louvre. Oui, le Belphégor, c'est le fantôme du Louvre. Hein. Et pour ceux qui ont connu ce feuilleton qui a fait les riches heures de l'ORTF, c'était en quelque sorte l'âme même des lieux. À une époque où le musée du Louvre avait, à mon avis, une mystique, quelque chose de particulier qu'il a un tout petit peu perdu au profit, c'est vrai, d'une muséographie tellement plus raffinée. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Alors, je vous parlais d'Henri IV, ses successeurs. Vous savez, à l'époque, il n'y a pas énormément de grands palais dans Paris. Vous avez le Luxembourg construit pour Marie de Médicis. Vous avez les Tuileries, donc au bout du Louvre, dans le prolongement, si vous voulez, tout à fait à l'ouest, construit pour Catherine de Médicis 50 ans plus tôt. Et puis vous avez le Palais Royal qu'on vient d'édifier pour le cardinal de Richelieu. Puis c'est à peu près tout. Louis XIV veut un palais. Quand je dis Louis XIV, c'est Colbert en vérité. Ils veulent un palais qui soit à la mesure d'une capitale de 400 000 habitants. Il faut éclabousser l'Europe par la splendeur d'un palais pour lequel on va bâtir la célèbre façade, la colonnade. Vous savez, alors on en parlait hier à propos du Bernin. Le Bernin est venu à Paris exprès pour ça. On a vu ce qu'il est advenu de son projet qui finalement a été abandonné au profit de celui du frère de Charles Perrault, Claude Perrault. Louis XIV va donner un grand carrousel au Louvre en 1662. Ça a laissé des souvenirs magnifiques. Je sais que certains de nos auditeurs ont tout à fait à l'esprit les troupes rouges des Romains, vertes des Turcs, or et bleu des Persans, couleur feu des Indiens, chacun des princes du sang dirigeant un quadrille extraordinairement caparaçonné, plein de sublimes atours et de plumes tourbillonnantes. Ça a été une très très grande fête, et puis on a envie de dire, ce sont les derniers feux, parce que en dépit de la volonté de Colbert d'aller au bout et de construire ce grand Louvre, Louis XIV, lui, s'est éloigné de sa capitale, il vit à Saint-Germain, et bientôt il vivra, quand je dis bientôt, à partir de 1682, il vivra à Versailles, évidemment. Et à partir de là, commence pour le Louvre une longue période, sinon de dérédiction, disons, de mise de côté. Le Louvre devient le lieu des artistes, le lieu des académies. On y installe les beaux-arts, si vous voulez. Les grands artistes pensionnés par la cour ont ici leurs ateliers. Dans les cours, dans les passages, vous avez les artistes un peu moins connus. Les académies se sont installées là. On va, à partir de 1699, tenir le fameux salon, le grand salon annuel, hein, qui est un peu la vitrine de l'école française de peinture et qui se tiendra très tard, hein, jusque vers la fin du 19e siècle. Le salon, c'est l'institution à partir de 1737. On se rappelle notamment les critiques de Diderot, hein, qui chaque année tenait, en quelque sorte, on est là sous le règne de Louis XV, tenait la chronique des évolutions artistiques à travers ce que l'on pouvait voir au salon. Et c'est justement Diderot, avec D'Alembert, etc., sont les encyclopédistes qui, dès 1765, suggèrent qu'on transforme le Louvre en galerie, on ne parle pas encore de musée à l'époque, en galerie qui serait ouverte au public. Sauf que les Tuileries, donc le palais qui maintenant est relié au Louvre, hein, qui va faire partie de l'ensemble, les Tuileries vont être réhabitées à partir de la Révolution. On sait que Louis XVI et Marie-Antoinette y sont ramenés le 6 octobre 1789. Et puis ensuite s'y installent Napoléon Ier. Déjà les comités de salut public, hein, pendant la Révolution. Napoléon Ier, Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe, Napoléon III. Tous ces gens-là vivent dans le palais des Tuileries. Et le Louvre est en quelque sorte une annexe des Tuileries dédiée aux Beaux-Arts. On sait que Napoléon III, en 1857, va y installer son musée de l'Empire, avec un certain nombre d'objets d'art et de grandes pièces de mobilier déjà. Et je dis ça pour qu'on comprenne bien qu'il y a dans le cœur même des collections du Louvre pas seulement de fascinants tableaux, pas seulement des sculptures merveilleuses, pas seulement des objets d'antiquité qui, pendant tout le 19e siècle, vont affluer des champs de fouilles de tout le bassin méditerranéen, mais aussi des objets d'art et du mobilier qui font le cœur de la collection dont nous allons vous parler dans un instant. Alors, le paradoxe, c'est que Louis XVI a l'intention de transformer le Louvre en musée, mais que c'est pas lui qui y arrivera. Finalement, c'est sous la Révolution qu'on va ouvrir vraiment ce musée. Et d'ailleurs, la toute première ouverture, elle se fait pour le premier anniversaire du 10 août 1792, donc du jour de la chute de la monarchie. La toute jeune République a un an d'existence, et pour marquer le coup, elle va organiser une grande exposition qui ouvre donc le 10 août 1793. Et dès l'époque, on se dit, c'est tellement extraordinaire d'avoir réuni tous ces objets, tous ces tableaux, tout ça. Ça a un tel succès dans le public, les Parisiens se bousculent littéralement. Pourtant, on est en pleine terreur, hein. C'est pas un moment où on a tellement envie d'aller se promener. Mais néanmoins, les gens se bousculent au portillon du Louvre et l'on va décider de transformer cette exposition temporaire en exposition permanente. C'est David qui va notamment proposer de remplacer la commission du muséum par un conservatoire de 10 membres beaucoup plus organisé, ça décembre 93, et puis en 94, au printemps 1794, alors cette fois, on peut parler d'un véritable musée. Et faut pas oublier qu'on est dans la période des guerres révolutionnaires, et notamment de la fameuse première campagne d'Italie de Bonaparte. Qu'est-ce qu'on fait quand on gagne des batailles dans le sillon de Bonaparte? On récupère à droite et à gauche tout ce qu'on trouve, et on va voir affluer au Louvre un grand nombre d'objets qui vont faire la réputation, bien entendu, du musée. Les Italiens dans la Grande Galerie, les Antiques dans l'appartement d'été d'Anne d'Autriche, etc. C'est Napoléon, enfin plus exactement Bonaparte et son épouse Joséphine, qui le 9 novembre 1800, vont inaugurer le nouveau musée. Un nouveau musée alors dont les collections ne cesseront de s'accroître. Il y a toute la collection Borghèse qui arrive dès l'époque de Napoléon. Sous Louis XVIII, ce qu'avait réuni Alexandre le Noir. Ah, on devrait avoir un petit carillon pour faire gling gling quand je parle d'Alexandre le Noir. Parce que ça doit faire maintenant, je sais pas, 7 ou 8 ans que je dis presque tous les jours, il faut qu'on fasse une émission consacrée à Alexandre le Noir. Ça viendra. Je vous rassure, Alexandre le Noir avait collectionné toutes sortes de vestiges, de monuments, des traces inouïes de des anciens arts français. Il avait créé le Musée des Monuments Français et tout ça, sous Louis XVIII, se trouve versé au Louvre. Sous Charles X, j'ai pas besoin de vous parler du musée Champollion, bien entendu, de l'ouverture du grand musée égyptien qui bientôt pourra concurrencer le British Museum. Sous Louis-Philippe, arrivée en masse de peintures espagnoles qui avaient été réunies par le roi citoyen, s'il vous plaît. On en avait aussi dispersé dans pas mal de musées de province. Tout ça appartenait autrefois aux congrégations religieuses. Bref, ça va finir par agrandir la collection. Et puis, sous Napoléon III, le legs Lacaze, le legs Campana, etc. Je ne vais pas vous raconter toutes les donations, tous les legs, tous les achats de l'État qui, peu à peu, ont fini par constituer cette collection phénoménale de plusieurs centaines de milliers d'objets dont je vous parlais tout à l'heure. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est vous dire ce que sont devenues ces collections, quel a été le sort de ces objets dans les moments très dangereux, la Commune de Paris en 1871, la Première Guerre mondiale, et puis surtout, c'est ce sur quoi je vais m'attarder un peu maintenant, la Seconde Guerre mondiale. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Il y a un peu plus d'un mois, Franck, à Paris, au musée du Louvre, de nouvelles salles présentant le mobilier des objets d'art français du XVIIIe siècle ouvraient. Et aujourd'hui, vous nous faites découvrir l'histoire du Louvre. Voilà, on essaie de voir d'où tout ça peut venir. Il y a eu un moment où ces collections, vous savez que justement le mobilier, les objets d'art, faisaient partie du musée de l'impératrice qui avait été ouvert au milieu des années 1850, donc sous le Second Empire. Napoléon III fait de très gros travaux au Louvre, ce qu'on appelle la cour Napoléon, c'est la cour Napoléon III, c'est toute la partie. L'aile doublée du côté de la rue de Rivoli, etc. Tout ça, c'est de l'époque du Second Empire, sans parler de la reconstruction du pavillon de Flore, du pavillon de Marsan, etc. Et puis, qui sont les deux pavillons qui terminaient autrefois les Tuileries. Et puis, on a cet effondrement du Second Empire avec la bataille de Sedan, l'arrivée des Prussiens qui vont faire le siège de Paris, et puis l'insurrection communale, la Commune de Paris. On est au printemps 1871, ça va durer quelques semaines seulement la Commune, mais alors c'est un moment assez incroyable. On s'approprie, si je puis dire, les collections nationales, le peuple prend conscience de sa richesse collective d'une certaine manière. Or, au moment de la semaine sanglante en mai 1871, on va voir les troupes versaillaises entrer en force dans Paris et certains communards mettre eux-mêmes le feu aux monuments. Et parmi les monuments touchés, il y a bien entendu les Tuileries. Et qui dit Tuileries dit Louvre. C'est-à-dire que le feu est arrivé vraiment très près des collections. C'est qu'on est passé à ce moment-là à deux doigts de ce qui aurait pu être une catastrophe considérable pour l'histoire des arts à l'échelle du monde entier. Ça a été un moment terrible. De même, quelques décennies plus tard, lors de la Première Guerre mondiale, on voit les Allemands s'approcher. Vous savez qu'avec la grosse Bertha, etc., ils étaient capables de bombarder Paris. Et on a eu peur pour les collections du Louvre, dont pas mal de fleurons ont été descendus dans les caves. On avait mis des sacs de sable, etc., pour protéger du mieux possible les pièces les plus rares et les plus fragiles. Tout ça avait fini par éveiller l'attention des conservateurs du Louvre qui, au moment où l'on s'est acheminé vers la Seconde Guerre mondiale, se sont dit qu'on ne pouvait plus en rester là et qu'il fallait prendre des mesures. Pas oublier que le 14 juin 1940, les Allemands sont entrés dans Paris, ils se sont installés, notamment ils installent une garnison tout autour du Louvre. Dès 8h du matin, les forces d'occupation sont là qui s'installent. Or, à l'intérieur du musée, une surprise attend les Allemands, ils vont découvrir des salles entièrement vides. Toutes les cimaises sont vides, on passe de salle vide en salle vide. Alors, Que sont devenus les chefs-d'œuvre du Louvre? Eh bien, ils ont été mis à l'abri, figurez-vous. Dès le 25 août 39, alors que la guerre était imminente, le Louvre a fermé ses portes et on a commencé à mettre les collections en caisse sous la direction du patron de l'époque, Jacques Jaujard. Jacques Jaujard s'est occupé, on peut dire, du moindre détail de ce qui est devenu un déménagement extrêmement sensible. On l'a vu s'intéresser à certaines œuvres en particulier, bien entendu, les Noces de Cana ou la Joconde. Vous imaginez que c'est très très précieux, ce sont des trésors nationaux de toute première importance. Entre parenthèses, les Noces de Cana étaient tellement importantes, tellement grandes, vous imaginez transporter une toile de 7 mètres sur 10 sur un camion à ciel ouvert. Quand on est arrivé au niveau de Versailles, la toile s'est prise dans des fils électriques, il y a eu un début d'incendie et ça aurait pu aller plus loin. Je vous dis les Noces de Cana, c'est pas les Noces de Cana, c'est le radeau de la Méduse qui s'est pris dans les fils à Versailles. Mais enfin, tous ces grands tableaux étaient très difficiles à transporter, bien entendu. Les chefs-d'œuvre ont rejoint leurs premières étapes, le château de Chambord, le château de Valençay, où on a laissé tout ce qui était pesant, hein, les grandes statues notamment, la Victoire de Samothrace, etc. C'est dans toutes ces salles que on a vu s'installer, dans des conditions de très très très grande urgence, bien entendu, les plus grands chefs-d'œuvre de la statuaire, de la peinture, etc. Alors une partie évidemment était restée au Louvre, dans les réserves, dans des abris spéciaux. On a eu des visites un peu incongrues à l'époque et même dangereuses, notamment le dimanche 29 septembre 1940. À 11h, les Allemands ont déclaré que le Louvre devait rouvrir. Alors, c'était gratuit pour les Allemands en garnison, mais c'était payant 1 franc pour les Français, avec ce qu'on avait retrouvé des collections, pas grand-chose. Le 5 novembre 1940, Hermann Göring est venu lui-même visiter, et il en a profité pour repartir avec sous le bras, si je puis dire, une sculpture qui lui tenait vraiment à cœur. C'était cette extraordinaire Sainte Marie-Madeleine, vous savez, chef-d'œuvre du gothique tardif et qui était considérée comme une des œuvres principales de l'art allemand. Toujours est-il que les œuvres avaient eu le temps pendant ce temps-là de descendre beaucoup plus au sud. Les tableaux notamment étaient dans le Périgord, au château de Montal. Ils y resteront jusqu'en 1945 et c'est seulement le 21 juin 1945 que le Louvre a pu retrouver toutes ses merveilles, notamment la Victoire de Samothrace lentement et remontée sur le socle qu'elle avait quitté 6 ans auparavant. De nouveau, le musée pouvait resplendir. On imagine l'émotion des conservateurs de l'époque qui retrouvaient intactes toutes ces œuvres d'art, tout ce grand mobilier, etc. Alors, depuis 1945, il s'est passé bien des choses au Louvre. C'est ce que nous allons voir dans un instant avec Jacques Garcia. Bonjour Jacques Garcia. Bonjour. Vous avez vous-même, et je l'avais fait moi aussi, nous avons écumé les salles du Louvre pendant notre adolescence. C'est peut-être au Louvre qu'on perçoit le mieux l'incroyable efflorescence artistique de toutes les civilisations. On peut tout comparer, on peut tout voir. À la limite, si l'on est un peu boulimique, on a envie de dire on peut tout voir dans une semaine. Avec vous, nous allons nous appesantir dans un instant sur les nouvelles salles consacrées au mobilier des 17e et 18e siècles. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et jusqu'à 15h sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire du musée du Louvre. Avec votre invité, Franck Ferrand, il s'agit de Jacques Garcia, grand collectionneur et décorateur. Il vient d'aménager les salles d'objets d'art du Louvre du XVIIIe siècle, de Louis XIV à Louis XVI. Oui, alors je crois d'ailleurs que ça a été rebaptisé de Louis XIV à Marie-Antoinette, mais on peut dire que c'est de Louis XIV à Louis XVI, ces collections que vous avez mises en valeur, Jacques Garcia. Oui, bien évidemment, mais si vous voulez, je pense que pour le grand public, il faut toujours rappeler une chose très importante, les femmes sont très intervenantes dans la décoration, entre guillemets, et surtout dans l'esprit du temps. Et je crois que les grandes gloires des trois grandes périodes, c'est Madame de Montespan avec Louis XIV, c'est Madame de Pompadour avec Louis XV et Marie-Antoinette avec Louis XVI. Donc on a démarré avec Louis XIV parce que finalement il faut démarrer avec un homme, mais c'est plus intéressant de finir avec une femme. Oui. Et Louis XIV lui-même avait peut-être été légèrement influencé par un certain nombre de femmes du reste, hein, on peut le dire. Oui, d'ailleurs dans le goût de Louis XIV, on note très très très clairement deux époques extrêmement variées. Il vit avec Madame de Montespan qui finalement dirige complètement artistiquement l'homme, avec des passions extravagantes. Il ne faut pas oublier qu'elle vivait avec un ours blanc dans son salon, donc on est loin d'une petite bourgeoise. Et finalement, il finit avec une femme extrêmement bourgeoise qu'on a valorisée avec l'allée du roi, mais qui finalement ne présente pas un grand intérêt sur le plan artistique. Un peu frustrée par le manque d'enfants qu'elle a eu elle-même, elle finit par faire l'allée des Marmousets. Sortie de ça, pas grand-chose à Versailles. Je veux de l'enfance partout, disait à l'époque Louis XIV. Alors, ces collections du Louvre qui ont subi de tels dangers, de tels périls à travers l'histoire, je racontais cette histoire du déménagement des collections pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a été une aventure extraordinaire. Je me rappelle dans l'émission que nous avions faite à la télévision sur le Louvre, Frédéric Hébrard, qui est la fille d'André Chanson, l'un des grands conservateurs du Louvre, Frédéric Hébrard à la Romancière, nous racontait que lorsqu'elle était à Montal avec ses parents, il y avait un jour, dit-elle, un conservateur a eu l'idée de sortir un certain nombre de tableaux pour voir dans quel état ils étaient, s'ils se conservaient bien, comment ils avaient supporté l'exode et l'humiliation d'être en cadval une fois de plus. Alors, dit-elle, on a posé sur une meule de foin tous ces chefs-d'œuvre, on les a posés ces tableaux. Il y a eu un grand silence et tout à coup, il y a un petit garçon du village, oh tout petit, qui s'est mis à applaudir et tous nous avons applaudi, dit-elle. C'était un hommage à ce qui était un bien collectif, cette richesse extraordinaire accumulée par un pays pendant des siècles. Eh bien, moi, je vais vous dire que j'ai été ce petit garçon. Parce que très jeune, j'ai eu la chance d'avoir un père passionné d'art et il a trimballé son petit gamin par le bras avec beaucoup de passion pour essayer de lui faire passer ces émotions qui étaient très fortes en lui. De lui transmettre. De lui transmettre. Et finalement, j'ai encore la mémoire au bras de mon père, très jeune, visitant toutes ces salles. Alors, vous dire si c'était les salles des arts décoratifs ou les peintures, j'en sais plus rien. Mais en tous les cas, j'étais certain que, quoi qu'il en soit, tout ça habiterait ma vie et voire éventuellement l'occuperait un peu trop. Alors, oui. Alors, les collections de mobilier et d'objets d'art, elles sont largement liées à la Révolution française, quand même, il faut bien dire. Tous ces meubles vertigineux, ils appartenaient soit à la couronne, soit à des dépendances de la couronne, soit à de très grandes familles émigrées qui avaient vu confisquer leurs biens par l'État révolutionnaire. Alors déjà, le département des objets d'art, c'est par essence un département chef-d'œuvre. C'est-à-dire que contrairement à beaucoup d'autres musées d'art décoratif qui présentent tout l'art décoratif, le Louvre présente des chefs-d'œuvre. Et les chefs-d'œuvre, c'est quoi? C'est des commanditaires. C'est fatalement derrière un grand créateur, un immense commanditaire. Et il faut savoir que dès le règne de Louis XIV, les grands banquiers, car nous sommes un pays puissant, riche, avec des fortunes considérables, on est l'émir du Qatar d'aujourd'hui, au XVIIIe siècle. Et finalement, tous ces gens commanditent de grandes créations à des personnages illustres qui feront évidemment toutes les références sur le plan artistique pendant plus de 150 ans. Nous sommes au cœur du chef-d'œuvre pendant 150 ans. Et c'est ça qu'on a voulu présenter. Oui, ce que vous avez voulu montrer, c'est à quel degré d'excellence, de dépassement de soi, les grands artistes et artisans du XVIIe et du XVIIIe siècle étaient parvenus. On a quelques noms, évidemment, qui viennent à l'esprit, de Boulle à Riesner, mais ils ne sont pas les seuls, bien entendu. C'est presque toute une société qui convergeait vers cette excellence-là. Oui, parce que d'une part, il y a l'effet de la concurrence. C'est-à-dire à partir du... Vous savez, le riche veut toujours être plus riche que l'autre. Donc c'est le principe même des riches. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a une surabondance de commandes extravagantes. La différence, souvent, c'est qu'il n'y a pas les exécutants pour faire que la qualité soit là, que l'esprit soit là, que l'esprit du temps soit valorisant. Or, la chance a voulu que la France était sur une étoile de valorisation extrême et que tous ces grands fabricants, entre guillemets, ont pu s'exprimer grâce à une puissance financière gigantesque et surtout évoluer dans le temps. C'est ce qu'on a voulu faire ressortir dans le Louvre. On le voit très bien les différentes salles. C'est-à-dire qu'on a l'impression de passer de décennie en décennie. Ce sont des univers différents. Vous parliez d'esprit. ce sont des émotions différentes d'une certaine manière. C'est la force de ce pays à ce moment-là, c'est la force encore un peu aujourd'hui. Nous sommes un pays de révolutionnaires, il n'y a rien à faire, tous les 10 ans, tous la les France 15 ans, rupture. On arrache tout, on casse tout, on est dégoûté de ce qu'on a fait 10 ans après, quitte à y revenir 40 ans après, d'ailleurs peu importe, genre la mode des années 70 qu'on a détesté 20 ans après, bref, c'est notre esprit. Et la force du 18e siècle, c'est ce qu'on a voulu là aussi avec les conservateurs montrer d'une manière extrêmement précise, c'est pas un goût le 18e siècle, c'est 20 goûts qui se succèdent d'année en année, de 10 ans en 10 ans, et qui changent l'esprit des choses pour partir de la densité mythologique du règne de Louis XIV à la légèreté presque un peu superficielle de la fin du règne de Louis XVI. Alors on commence effectivement avec Louis XIV, avec le bas de Montargis. Il faut dire peut-être, faut parler un peu de cet ensemble extraordinaire qui est réuni là. Alors le bas de Montargis, première salle de, disons, on appelle ça des périodraux, mais moi je dirais plutôt pièce d'émotion, puisqu'il vaut mieux trouver un mot à la française. C'est pour ce qu'on appelle les period rooms, c'est cette habitude qu'ont prise les Anglo-Saxons après la Seconde Guerre mondiale, enfin juste avant d'ailleurs pour être tout à fait exact, juste avant la Seconde Guerre mondiale, de reconstituer des ensembles cohérent dans des musées, en fait. Hein. Alors, oui, mais c'est presque une obligation, puisqu'aux États-Unis, par essence, il n'y avait pas de pièces du XVIIIe siècle. Donc, il fallait bien les recréer. Nous, le cas est très différent. Et ce qui nous a occupé pour les pièces dont nous possédions les boiseries, le contraire de ce qui a pu être fait au Metropolitan Museum ou au Getty, qui ont adapté des boiseries à la taille des pièces, nous avons adapté les pièces à la taille des boiseries d'époque. À savoir que tant qu'il y avait des éléments d'époque, ils ont été replacés tels qu'ils étaient. On a reconstitué les corniches, on a refait les parquets et nous avons replacé les cheminées comme elles étaient et créé des murs à la taille de ces pièces pour justement évoquer d'une manière beaucoup plus sensible, non pas que la couleur, non pas que l'esprit des meubles qui sont à l'intérieur, mais le rapport à l'espace. Quel type d'espace on vivait de 20 ans en 20 ans? Et tout changeait, car il y a eu des pièces plus grandes, puis plus petites, puis re-plus grandes, puis plus petites. Et ça changeait l'esprit des choses. Oui, et bien entendu, le mobilier lui-même, les pièces de boiserie, enfin l'ensemble, était conçu à l'échelle. Ça, il faut avoir ça à l'esprit. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas de la même façon une banquette pour un grand salon ou pour un petit boudoir, bien entendu. On a d'ailleurs au Louvre, c'est la chance aussi, c'est que nous avons différents types de mobilier. On a le grand mobilier d'apparat, on le voit à les grandes salles Louis XIV avec les grandes armoires de boule, extraordinaire, les tapis de la savonnerie de 10 mètres de long. Enfin, on est dans une échelle surnaturelle, extraordinaire. Ouais. Pour entrer finalement dans le bas de Montargis dont on parlait tout à l'heure, qui est l'échelle d'un bel hôtel particulier de la place Vendôme, avec des tapisseries qui sont dans une proportion nettement plus petite, des boiseries dont la taille de la cheminée n'est que d'1,70 m, donc une proportion normale, des meubles de boule que l'on a placés qui ne sont pas surdimensionnés mais d'un raffinement extrême. On vient d'y placer une pendule tout à fait étourdissante qui vient du musée des sciences, qui est un chef-d'œuvre que vous pouvez pas rater tellement c'est extravagant. Tout ça recompose une atmosphère de grands banquiers extrêmement puissants, extrêmement raffinés, qui veut à la fois éblouir, certes, mais qui veut aussi montrer sa connaissance de l'extrême. De l'extrême raffinement, en l'occurrence. Hein. On avance, bien sûr, dans le temps. On visite des salons qui sont de plus en plus rocailles, on va dire. Il y a ce salon bleu qui est extraordinaire, qu'on a beaucoup vu en photo, parce qu'il est, il est un peu Alors, partout, évidemment. Oui, on l'a beaucoup vu en photo, parce que c'est la première pièce qu'on a terminée. Voilà, quand, quand il a fallu communiquer, nous n'avions qu'une pièce de terminée. Évidemment, elle était extravagante. Et justement, je voudrais évoquer le travail fantastique qui a été fait par un artisanat inouï. Oui, tant par les équipes du Louvre qui sont d'une compétence que vous pouvez même pas soupçonner. Et moi, j'ai découvert les menuisiers, les peintres décorateurs, les tapissiers des équipes du Louvre. Inouï de compétences, de gentillesse, d'ouverture. Je m'attendais franchement pas à ça. Ça a été un moment d'expérience extraordinaire. Et puis, une chose que je veux mettre en avant avant tout, c'est que la France, on nous dit qu'on est un pays où tout va mal, etc. Certes, tout va mal. Mais il y a une chose qui va bien. C'est que notre artisanat est encore le meilleur au monde. Il est appelé partout et c'est pas sans raison. Et là, vous le verrez au Louvre, vous verrez un travail des staffeurs, des menuisiers, des ébénistes, des parqueteurs, des marbriers, des tapissiers, des peintres décorateurs, des doreurs, qui est tout à fait éblouissant. Mais il faut les aider, ces artisans. Ils ont besoin d'être aidés. Sur un chantier de restauration, alors non pas au Louvre, mais à Versailles l'autre jour, et je voyais un apprenti, ça c'est extraordinaire, qui nous faisait rêver sur la conception des boiseries du cabinet de la Méridienne, hein, qui avait été conçu pour Marie-Antoinette à la fin de l'Ancien Régime. Et cet apprenti avait des étoiles dans les yeux, il était tout heureux, etc. Et son patron m'a dit, et c'est dommage, on n'a pas assez de candidats, on n'a pas assez d'apprentis. Il faut dire aux gens qu'il y a là des filières d'exception et qu'il y a des, tout simplement des promesses de bonheur, hein, parce que ce sont des métiers merveilleux quand même, extraordinaires. C'est des métiers merveilleux où d'une part on travaille sur l'essentiel, la beauté, parce que pour moi la beauté reste quand même l'essentiel, et puis surtout on travaille sur ce rapport qu'on avait, le travail de l'équipe. C'est très intéressant de voir la communion entre les corps d'État différents. Et c'est ce que j'ai ressenti au Louvre, tout comme je l'ai ressenti à Versailles, puisque comme vous le savez, je m'occupe beaucoup de Versailles et entre autres de reconstituer beaucoup d'appartements. Vous avez travaillé bien sûr main dans la main avec les conservateurs du Louvre aussi, bien entendu. Ce qu'on appelle les équipes scientifiques. Oui, mais ça a été mieux que ça. Ça a été franchement une communion. Souvent on vous dit, oui, ça va être dur les conservateurs, etc. Moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Je l'ai ressenti comme une grande communion. On a échangé des vrais points de vue. Il y a eu une cohérence dans une volonté d'aller dans une direction. Et c'est cette direction qui nous a guidés du début jusqu'à la fin. Alors cette volonté, cette direction, cet esprit, ce sont les vôtres, Jacques Garcia. On va essayer de les cerner dans un instant. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. C'est moi que je suis la Joconde, je suis connue par le monde. Au Louvre où la foule abonde, pour me voir on fait la ronde. Et moi faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde. Et moi faut que je me morfonde, la Joconde. La Joconde avec la voix de Barbara à l'instant sur Europe 1. Et aujourd'hui, c'est le musée du Louvre qui est à l'honneur. Franck Ferrand, vous recevez Jacques Garcia, grand collectionneur et décorateur. Il vient d'aménager les salles d'objets d'art du Louvre du XVIIIe siècle. Et vous me demandiez d'où venait le nom du Louvre tout à l'heure, Anissa. Alors, pour tout vous dire, on n'en sait rien. Mais ce nom existait déjà au moment où Philippe Auguste a bâti son donjon. Et l'on imagine qu'il y avait peut-être tout simplement des loups dans cette région. Là, on était hors de Paris à l'époque, il ne faut pas oublier. Donc ça pourrait, il y avait en tout cas eu des loups, ça pourrait justifier le nom. Certains disent que ça viendrait peut-être plutôt de l'ancien français « lover » qui voulait désigner la tour de guet. Et ça, c'est déjà plus probable lorsqu'on voit quelle est l'implantation du Louvre dans un endroit tout à fait stratégique de la Seine. Vous savez que c'est de là que partait la fameuse chaîne qui barrait la Seine et dont l'autre extrémité se trouvait sur la rive gauche à la tour de Nesle. Puisqu'on en est dans les précisions et les retours aux origines, si je puis dire, Patrice me fait remarquer que Montal ne se trouve pas dans le Périgord, comme je l'ai dit, mais dans le Lot, dont acte Patrice et pardon. Alors, Jacques Garcia, ce Louvre, vous le connaissez depuis l'enfance, vous le disiez. Vous imaginez bien qu'on ne touche pas impunément à un musée comme celui-là. Et je sais que pendant toute la durée de travaux qui quand même ont duré combien ? 4 ans ? 3 5 ans ? 5 ans. Évidemment, toutes les inquiétudes se sont manifestées. Qu'est-ce qu'il va nous faire du Louvre ? Parce que c'est quelque chose de très spécial, le Louvre. On n'y touche qu'avec prudence, ce que vous avez fait du reste, vous-même. Oui, ça a été d'abord une communion avec les conservateurs et... Bizarrement, c'est 5 ans, mais c'est 2 ans sur le plan. Ça paraît très bizarre, c'est qu'on a mis 2 ans à élaborer un plan précis pour la répartition des pièces. Il faut savoir que c'était une caisse vide et que tout le cloisonnement qu'on y trouve aujourd'hui a été créé de toutes pièces. Puisque ce Louvre, comme vous le disiez tout à l'heure, a été en effet construit pour ses façades, sous Louis XIV, bien sûr, mais il n'a pas été terminé. La toiture s'est installée là bien après. Et la royauté, si on peut dire, ne s'est jamais installée dans ces salles. Donc c'est resté une grande caisse vide avec sans décor, ce qui permettait bien évidemment toute intervention. Pour ce qui est de la manière dont on a réfléchi à ces aménagements, le vrai parcours était d'évoluer dans le temps. Ça, c'est très important. À savoir que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, le goût change tous les 10 ans et on voulait évoquer ça d'une manière précise. Avec des séquences particulières qui seraient des séquences de vitrines. Alors, ces vitrines viennent se séquencer entre... C'est-à-dire qu'on a, on a les périodes, périodes ce que vous appelez vous plutôt... Oui, je dirais pièces d'atmosphère. Les pierres d'atmosphère. Histoire de donner un mot à la française. Voilà. Et puis, entre les deux, vous avez des vitrines qui présentent un certain nombre de chefs-d'œuvre, bien alors, entendu. Justement, les vitrines, elles présentent les chefs-d'œuvre de correspondant à la période qu'on vient de voir dans ces fameuses pièces d'atmosphère. Et c'est très important parce que souvent, on a tellement entendu, on voit pas les objets, ils sont trop loin, on voit pas les meubles, ils sont trop loin. Ce qui est vrai dans une pièce d'atmosphère. Par définition. Parce que la commode, elle doit pas être devant le public, elle est fatalement contre un mur, et souvent au fond de la pièce. Donc tout ce qui est extrêmement important au niveau des chefs-d'œuvre mobiliers a été placé, tout comme les boîtes en or, dans des vitrines, afin qu'on puisse les voir de près et juger même mieux que cela du meuble. Et surtout de ce qui pouvait se présenter sur le meuble. Et c'est pour cela, dans les vitrines, vous voyez des collections de Sèvres posées sur les meubles, des collections de Meissen, des collections d'objets montés en bronze doré extrêmement précieux, qui, s'ils étaient dans les pièces d'atmosphère, seraient sous cloche et bien évidemment loin du public. Oui, et ça donnerait un côté assez froid finalement et assez lointain. Et surtout, ça ne permet pas d'apprécier l'œuvre de très près. Il y a deux jeux dans ce que nous avons fait, c'est d'une part l'atmosphère, l'ensemble, et d'autre part la connaissance précise des objets en les voyant de le détail. L'ensemble et le détail, avec cette chronologie, ce respect de périodes très, très bien cernées dans le temps, tout ça est finalement très pédagogique. C'est ce qui saute aux yeux quand on se promène dans ces salles. C'est un véritable cours. Vous savez, il y avait autrefois un petit livre dont j'oublie le nom, mais qui était l'histoire des styles, et on apprenait l'évolution des styles à travers les siècles. Eh bien, on a un peu cette impression-là, c'est-à-dire que là, on voit se modifier en quelque sorte le style, on le voit évoluer vers tantôt plus de naturalisme, tantôt plus de classicisme, et ça, il suffit d'avancer de pièce en pièce pour en avoir la démonstration. C'est assez spectaculaire, ça. Hein. Bah, vous avez décrit exactement ce qu'on a voulu faire. Bon, ça tombe bien. Voilà, c'est-à-dire que moi, je veux simplement... C'est pas la compréhension d'un goût et d'un genre et d'une époque, et même qui peut devenir perceptible à des gens qui ne connaissent pas, c'est tout aussi important qu'aux vrais collectionneurs ou aux vrais amateurs. Je crois que les vrais amateurs doivent évidemment y retrouver leur compte, certes, c'est même fondamental, mais surtout un musée de ce genre, c'est pour faire apprendre. Et je crois que des enfants qui arrivent là peuvent, comme j'ai pu moi avec mon père, comme je vous le disais tout à l'heure, arriver là et comprendre pourquoi le goût français a toujours été en évolution, toujours dans la performance, en tous les cas pendant ces 150 années. Votre patte personnelle se retrouve, même si vous avez été d'une grande discrétion et humilité, il faut le souligner, mais on voit bien qu'il y a des aspects Garcia dans tout ça, un travail très soigné sur les matières, sur les couleurs, sur les lumières également. Ça joue un grand rôle, les lumières, dans la présentation des choses. C'est toujours difficile de parler de ça parce que... Je prends par exemple l'exemple de champ de bataille, que vous pouvez vous situer évidemment par rapport à champ de bataille. Et donc le d'abord, château de champ de bataille, voilà. Qui pour ceux qui ne le sauraient pas encore, est votre propre demeure, oui, qui est un merveilleux château, voilà. Dans l'heure, entre, et qui se visite, donc entre les gens Louviers peuvent, et Évreux, oui. Et qui peuvent donc voir, je dirais, une manière de faire pour une maison du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Et si vous voulez, quand il s'agit de donner une atmosphère, en dehors du fait qu'on n'y présente que des chefs-d'œuvre, là, bien évidemment, votre sentiment personnel ne peut pas être complètement gommé. Et si vous y avez retrouvé des choses qui sont ce qui me sont chères, en l'occurrence l'atmosphère, c'est tout simplement parce que j'ai toujours été contre l'idée d'une reconstitution. Je préfère quelque chose de faux qui fait vrai à quelque chose de vrai qui fait faux. C'est un principe général. Quelquefois, on vous dit, mais c'était comme ça. Et puis la pièce d'à côté, elle n'a jamais bougé. Et on vous dit, alors que ça vient d'être fait. Puis la pièce d'à côté qui n'a jamais bougé n'a rien à voir. Ben non, fatalement, c'était comme la pièce d'à côté. Ben oui. Donc ce qui compte... Là, ce qui est bien au Louvre, c'est que ce sont des choses vraies qui font vrai. Alors là, on a la totale. D'abord, on est dans un palais, déjà. Oui, bien sûr. Extraordinaire. extraordinaire. Palais, oui. On est dans un des plus beaux palais du monde. On y a présenté des boiseries qui sont vraies, dans lesquelles on a présenté des rideaux qui sont d'étoffe de soie vraie. Parlons-en des rideaux, parce qu'ils ont fait un peu... Évidemment, ils ont fait évidemment, un peu... dès que vous placez des rideaux neufs... Dans un musée, ça fait très bizarre. Mais enfin, comment évoquer le monde de l'étoffe sans l'étoffe? Ça, j'aimerais bien qu'on m'explique. Vous ne pouvez pas évoquer le 18e siècle sans le textile. C'est la moitié du principe du 18e siècle, à travers les tapisseries, les tissages, les broderies, les soies peintes, les soies brodées, les damas. Tout n'est qu'étoffe au 18e siècle. Et il fallait donc, et d'ailleurs vous avez un exemple extraordinaire, qui est le salon d'Abondan, où la maison Frey a offert ce retissage de soie peinte et rebrodée, fidèle aux documents d'origine. À propos de mécénat, il faut signaler que vous-même, vous travailliez dans le cadre de ce qu'on appelle un mécénat de compétences, hein, il faut c'était, le dire. Hein. C'était ma volonté de départ. J'ai mis deux conditions au départ quand on m'a demandé de faire le Louvre. La première était de ne pas être payé, et de le faire au titre d'un mécénat de compétences, parce que ça donne beaucoup de liberté. Et je l'ai toujours fait pour Versailles et pour toutes les expositions que j'ai pu faire. Je ne me suis jamais fait régler par l'État, entre guillemets. Et puis, la deuxième chose, c'est que pour décaler tout cela, et qu'on ait une vraie communion, toutes les séances se sont pas faites au Louvre, elles se sont faites dans mon bureau. Ce qui a créé une communion beaucoup moins administrative, je dirais, et peut-être quelque chose qui a fait peut-être ce petit sentiment qu'on est un petit peu mieux qu'ailleurs. Mais voilà. Merci Jacques Garcia, non seulement pour être venu nous parler de tout ça dans cette émission, mais pour tout ce que vous avez pu faire au Louvre en l'occurrence. Merci, merci beaucoup. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, Franck, c'est une question d'Anne-Cécile via la page Facebook de l'émission. Bonjour Franck, je voudrais savoir depuis quand existent les bibliothèques publiques. Depuis très très longtemps, Anne-Cécile. Figurez-vous qu'au 4e millénaire avant notre ère, évidemment, on situe la première bibliothèque en Mésopotamie, à Ninive, au nord de l'actuel Irak. Vu l'époque, vous vous doutez bien qu'il ne s'agissait évidemment pas de livres, mais de tablettes, de terre cuite sculptée. Les parchemins, eux, n'apparaîtront pas avant le 2e siècle avant Jésus-Christ. Alors, avec les avancées de l'écriture, les bibliothèques vont se multiplier. Il y a celle de Ramsès, Ramsès II en Égypte, celle d'Aristote en Grèce, jusqu'à la célèbre bibliothèque d'Alexandrie, vous savez, qui avait été fondée au 4e siècle avant notre ère par Ptolémée Ier et qui va brûler. Ça a été une des tragédies de l'histoire culturelle de l'humanité. Mais les premières bibliothèques public en tant que tel, c'est à Rome qu'on va les voir. Alors quand je dis public, tout est relatif. Évidemment, il fallait pouvoir montrer patte blanche pour être admis à consulter les manuscrits qui se trouvaient là. C'était réservé à l'élite lettrée, bien entendu. Ces bibliothèques servaient en même temps de, comment on pourrait dire, de politique culturelle pour l'État romain, puisqu'il y avait tout le système de la censure. Certains ouvrages et certains auteurs étaient bannis de ces bibliothèques. Je pense à l'art d'aimer d'Ovide, par exemple. Le grand tournant, il va venir évidemment avec la naissance de l'imprimerie au 15e siècle. Alors là, vous avez l'ouverture de bibliothèques privées qui vont être ouvertes au public. C'est le cas de la bibliothèque Mazarine dès 1643. Et puis petit à petit, on va les multiplier, ces bibliothèques. On en trouvera une quarantaine au 18e siècle. Et à partir de 1803, Napoléon va demander aux municipalités d'ouvrir des bibliothèques. Et puis son neveu, Napoléon III mettra en place les bibliothèques scolaires. Là, il faut bien distinguer ce qu'est une bibliothèque de prêt, qui est une sorte de petite bibliothèque d'intérêt public pour prêter des livres, et puis la bibliothèque de consultation, où les spécialistes ou les chercheurs viennent travailler. Malheureusement, un certain nombre de nos belles bibliothèques classiques, et elles faisaient partie de la richesse culturelle de la France, sont en grande difficulté aujourd'hui, et c'est un problème tellement grave que j'ai très envie de lui consacrer à la rentrée une belle émission.